Ézéchiel chapitre 5. Davantage, toi, fils d'homme, prends-toi un couteau tranchant, prends-toi un rasoir de barbier, et fais-le passer sur ta tête et sur ta barbe, puis tu prendras une balance à peser, et tu partageras ce que tu auras rasé. Tu en brûleras une troisième partie dans le feu, au milieu de la ville, lorsque les jours du siège s'accompliront, et tu en prendras une autre troisième partie, et tu frapperas de l'épée alentour, et tu disperseras au vent l'autre troisième partie, car je tirerai l'épée après eux. Et tu en prendras de là quelque petit nombre, et les serreras au pan de ton manteau. Et de cela tu en prendras encore, et les jetteras au milieu du feu, et les brûleras au feu, et il en sortira du feu contre toute la maison d'Israël. Ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, c'est ici cette Jérusalem que j'avais placée au milieu des nations et des pays qui sont autour d'elle. Elle a changé mes ordonnances en une méchanceté pire que celle des nations, et mes statuts en une méchanceté pire que celle des pays qui sont autour d'elle, car ils ont rejeté mes ordonnances, et n'ont point marché dans mes statuts. C'est pourquoi le Seigneur, l'Éternel, a dit ainsi, parce que vous avez multiplié vos méchancetés plus que les nations qui sont autour de vous, et que vous n'avez point marché dans mes statuts, et n'avez point observé mes ordonnances, et que vous n'avez pas même fait selon les ordonnances des nations qui sont autour de vous. À cause de cela, le Seigneur, l'Éternel, dit ainsi, voici, j'en veux à toi, oui, moi-même, et j'exécuterai au milieu de toi mes jugements, devant les yeux des nations. Et je ferai en toi, à cause de toutes tes abominations, des choses que je ne fis jamais, et telles que je n'en ferai jamais de semblables. Les pères mangeront leurs enfants au milieu de toi, et les enfants mangeront leurs pères, et j'exécuterai mes jugements sur toi, et je disperserai à tout vent tout ce qui restera de toi. Et je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel, parce que tu as souillé mon sanctuaire par toutes tes infamies, et par toutes tes abominations, moi-même je te raserai, et mon œil ne t'épargnera point, et je n'en aurai point de compassion. Une troisième partie d'entre vous mourra de mortalité, et sera consumée par la famine au milieu de toi, et une troisième partie tombera par l'épée autour de toi, et je disperserai à tout vent l'autre troisième partie, et je tirerai l'épée après eux. Car ma colère sera portée à son comble, et je ferai reposer ma fureur sur eux, et je me satisferai, et ils sauront que moi, l'Éternel, j'ai parlé dans ma jalousie, quand j'aurai consommé ma fureur sur eux. Je te mettrai en désert et en opprobre parmi les nations qui sont autour de toi, tellement que tous les passants le verront. Et tu seras en opprobre, en ignominie, en instruction, et en étonnement aux nations qui sont autour de toi, quand j'aurai exécuté mes jugements sur toi, avec colère, avec fureur, et par des châtiments pleins de fureur. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Après que j'aurai décoché sur eux les mauvaises flèches de la famine, qui seront mortelles, lesquelles je décocherai pour vous détruire, encore j'augmenterai la famine sur vous, et je vous romprai le bâton du pain. Je vous enverrai la famine, et des bêtes nuisibles, qui te priveront d'enfants, et la mortalité et le sang passeront parmi toi, et je ferai venir l'épée sur toi. Moi, l'Éternel, j'ai parlé.